Bienvenue à Porto. Admirez l'architecture subtile de ses bureaux climatisés, le charme discret de ses couloirs en moquette et vibrez au rythme endiablé de ses rendez-vous clients. Porto, bientôt. En voyage d'affaires, découvrez plus que des bureaux. Partez à Porto et plus de 80 destinations à partir de 30 euros. Transavia. Partez, volez, souriez. Prix TTC au tarif basique, voire conditions sur le site. Troisième temps de notre semaine consacrée aux héros. Aujourd'hui, de quel type de héros les nations africaines indépendantes se sont-elles dotées ? La semaine dernière, le président français Emmanuel Macron se demandait dans un entretien au Point s'il fallait, dans une vieille nation comme la France, proposer des héros propres à refaire de la France un pays fier. Comment des nations plus récentes, issues des indépendances africaines des années 1950 et 1960, ont-elles mis en avant leurs propres héros ? Ces héros sont-ils des guerriers mythiques du passé, des résistants à la colonisation ou encore des pères des indépendances ? C'est ce que nous verrons avec Victor Massé-Lépiné qui a préparé cette semaine avec nous, avec Bertrand Hirsch, il est professeur d'histoire à l'Université Paris 1, avec François-Xavier Fauvel, il est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire TRACE de l'Université de Toulouse. Il est auteur du Rhinocéros d'or et en cette rentrée de À la recherche du sauvage idéal aux éditions du Seuil. Et avec Augustin Hall, il est coordinateur du dernier tome en cours de l'histoire de l'Afrique de l'UNESCO. La notion même d'histoire serait, d'après certains, étrangère à la mentalité négro-africaine. D'autres ne nient pas l'existence de l'histoire africaine, mais disent-ils, elle est entièrement mue et agie de l'extérieur, en particulier par les prétendus amites caucasoïdes, mais aussi par des Phéniciens, des Grecs, des Libyens, des Romains, des Juifs, des Arabes, des Perses, des Hindous, des Chinois, des Indonésiens, des Européens, etc. Donc, aucune dynamique interne. Enfin, les plus accommodants admettent bien qu'il y ait une histoire africaine, mais disent-ils, malheureusement, cette histoire, on ne la connaît pas et on ne la connaîtra sans doute jamais en raison de la rareté ou de la prétendue absence de documents écrits. Point de documents écrits, donc pas d'histoire africaine. En fait, la vraie difficulté réside dans l'incapacité de la plupart des historiens à renouveler leur attitude méthodologique. Ils ressemblent à un chirurgien qui s'entêterait à traiter les syndromes cliniques d'aujourd'hui avec le seul scalpel des praticiens du XVIIIe siècle. Voilà, il s'agissait d'un entretien, ou plutôt d'une déclaration du grand historien Joseph Kizerbo en 1967, évoquant cette question qui n'a pas cessé depuis de rebondir, en particulier après un fameux discours de Dakar de Nicolas Sarkozy de l'histoire africaine. Bonjour Victor Massé-Lépiné. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous François-Xavier Fauvel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous Augustin Hall. Bonjour. Et bonjour à vous Bertrand Hirsch. Bonjour. Alors, je voulais commencer peut-être par vous, Bertrand Hirsch. C'est vrai que cette question est difficile à aborder, et en particulier parce que il y a beaucoup d'idées reçues, que peu de gens connaissent quelque chose, d'une certaine façon, à cette longue histoire du continent africain, et qu'à partir de cette base assez faible, assez maigre dans l'opinion publique française, même cultivée, eh bien, il est difficile de faire un travail de chercheur qui permettrait justement de poser la base d'une réévaluation de cette histoire. Oui, le discours de Kizerbo était très, très, très éclairant pour ça. Et je crois qu'on a peut-être un peu bougé depuis, mais enfin, il pose très très bien les problèmes et les questions. Négation de l'histoire de l'Afrique. On est, d'une certaine façon, on n'est pas encore sorti de ça. aujourd'hui. Malgré le travail de, malgré le travail 60 ans de travaux. L'idée que il y a peu de sources pour l'histoire de l'Afrique, c'est quelque chose qui continue à être véhiculé partout. Je prendrai un exemple. Quand je dis que je travaille sur l'histoire de l'Afrique, disons de la période médiévale, voilà, entre le 10e et le 16e siècle, quelque chose comme ça, de façon un peu élastique, ces bandes chronologiques, la première chose qu'on me dit, mais à partir de quoi vous travaillez? Sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et on pourrait ajouter que cette interrogation, à l'époque, en 67, elle a débouché sur quelque chose qui est très important en ce temps-là, qui est la réévaluation ou l'évaluation des sources orales. C'est-à-dire, on s'est dit, il y a peu de sources écrites, c'est vrai, il y en a, bien entendu, je parle des périodes anciennes, il y en a, plus qu'on ne pense, mais on s'est dit, voilà, on va trouver dans les sources orales quelque chose de neuf, et on a peut-être d'ailleurs surévalué, à mon sens, ces sources orales. Donc ces questions restent les questions d'aujourd'hui. Alors, si les gens ne connaissent pas grand-chose au Moyen-Âge africain, c'est qu'ils ne vous ont pas lu François-Xavier Fauvel avec Le rhinocéros d'or, parce que justement, dans Le rhinocéros d'or, il y a quelques années, vous avez réévalué cette idée d'un Moyen-Âge africain en disant, ben, certes, il y a beaucoup de trous, mais il y a aussi beaucoup de choses que l'on peut savoir. Et à partir de ce moment-là, on peut faire un vrai travail d'historien sur ce continent et sur ces périodes qu'on appelle médiévales. Oui, alors l'objectif de ce livre, Le rhinocéros d'or, c'était pas tant d'apporter du neuf en histoire africaine médiévale, parce que tous ces travaux existaient, ouais. Mais existaient pour les chercheurs, enfin pour les spécialistes. C'était de vulgariser, le porter au grand public. Parce qu'effectivement, la question, c'est celle des savoirs communs. C'est-à-dire que l'histoire de l'Afrique n'est pas rentrée dans les savoirs communs. Par savoir commun, je veux dire ce que chaque citoyen, ce que chaque lecteur est en droit de savoir sur les civilisations en général et sur celles qui sont à sa porte. Bon. Et l'histoire de l'Afrique, le discours de Dakar, on est la preuve, n'est pas rentré dans les savoirs communs. C'est-à-dire qu'il est possible à un président de la République de dire que l'Afrique n'a pas d'histoire. Et s'il est possible pour lui de le dire, ça veut dire qu'il est possible pour les conseillers qui ont écrit son discours de le dire. Ça veut dire qu'il est possible pour l'ensemble des gens qui écoutent, en France en tout cas, mais pas évidemment pas à Dakar, il est possible de le croire. Il est possible parce que ça sonne vrai. Bon. Et effectivement, il faut constater que sur les rayons des bibliothèques et des librairies, il manque les livres qui reflètent ces savoirs communs sur l'histoire de l'Afrique. Et pourtant, il y a eu à un moment une volonté, Augustin Hall, de prendre en main, au moment des indépendances, dans le cadre de l'UNESCO, l'histoire de l'Afrique, en faisant une grande histoire générale de l'Afrique, qui a été lancée justement avec des historiens comme celui qu'on entendait, Kizerbo ou d'autres, qui a été lancée justement dans ces années des indépendances ou post-indépendance, et d'une certaine façon dont vous êtes l'héritier aujourd'hui, puisque vous devez coordonner une sorte de suite de cette histoire générale de l'Afrique, qui était en 8 volumes, c'est ça à ce moment-là. Et donc là, vous allez faire plusieurs volumes qui va poursuivre le travail, c'est ça? C'est cela. Disons que le volume 9, comme on l'appelle, c'est un volume en 3 tomes qui a 3 objectifs, trois objectifs particuliers. La mise à jour des connaissances, parce qu'en 40-50 ans, les volumes 1 et 2 sont presque obsolète dans la totalité. C'est normal, comme pour toutes les recherches. Oui, toutes les recherches d'ailleurs. Et dans le deuxième point, c'est mettre la diaspora au centre de l'histoire africaine à partir du 16e, 17e siècle, mais des diasporas plus anciennes aussi. Et bien évidemment, de jeter les questions, les défis actuels, l'histoire des temps présents, l'Afrique est devenue un jeu de plusieurs convoitises, non seulement depuis la colonisation, mais dans l'état actuel. Donc c'est un peu ça l'enjeu du projet. Comme vous avez dit, c'était dans la réaction à ce que Monsieur Kizerbo a bien résumé. Dans les indépendances, les pays africains ont ressenti la nécessité de maîtriser l'histoire du continent et de proposer une autre vision de l'histoire de l'Afrique. Il y a pas mal d'innovations et les huit volumes prouvent que ça existe, mais ça n'a pas tellement bien circulé. Victor Massé-Lépiné. Oui, François-Xavier Fauvel, si l'Afrique est en effet, l'homme africain est bien rentré dans l'histoire, Vous expliquez néanmoins, peut-être que c'est Bertrand Hirsch, vous expliquez néanmoins dans un article que j'ai lu que ce moment des indépendances avait constitué quand même une sorte d'entrée dans l'histoire, au sens d'entrée dans une historicité critique que peut-être cette histoire générale de l'Afrique symbolise. Les Africains se sont emparés de leur histoire parce qu'avec les indépendances, un avenir possible s'ouvrait et que cet avenir possible était la condition d'une relecture de son passé. Est-ce que cette histoire générale de l'Afrique, elle a été, à votre avis, pertinente, intéressante? Comment est-ce qu'aujourd'hui vous la lisez, vous estimez ce travail qui a été fait? Écoutez, c'est un moment très important. C'est un moment très important parce que, effectivement, c'est un moment de réappropriation par les intellectuels africains, les historiens et historiennes d'Afrique, de leur passé. Il y a une rencontre là qui est très importante. Bon, ça c'est un acquis. C'était d'ailleurs le propos général de ce projet. Enfin, l'ambition de ce projet, c'était qu'il y ait une histoire qui soit en grande partie rédigée par des historiens et historiennes d'Afrique. Donc, en même temps, si vous voulez, je pense qu'il faudrait, ça je vais en discuter avec Augustin Hall qui est à côté de moi, j'aimerais qu'on revienne, je ne sais pas si vous allez le faire, qu'on revienne de manière peut-être un peu plus critique, c'est-à-dire de manière historienne, sur ce moment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est joué là? Est-ce que d'abord on a des archives? Moi, ça m'intéressait de savoir s'il y a des archives sur. Il y a eu des débats. De l'entreprise éditoriale. Bien sûr, il y a eu des débats extraordinaires. Il y avait de grands historiens de l'époque, comme Cheikh Anta Diop, Djibril Tamsirnian, l'un sénégalais, l'autre guinéen, qui étaient des phares de l'histoire de l'Afrique à ce moment-là. Et je sais que les débats ont été très très vifs avec certains historiens. Il devait bien y avoir un greffier qui a dû prendre ça en note, tout de même. Mais j'ai peur. Cadre d'une grande institution. J'ai peur que l'UNESCO. L'UNESCO, c'est une institution sans mémoire, il faut le savoir. Pas sans histoire, mais sans mémoire. Non, là, je pense qu'il y a une erreur de perspective. Les archives de l'UNESCO sont très riches. Et il y a déjà pas mal de papiers sur l'histoire de l'histoire générale de l'Afrique. La personne qui a écrit ces différents articles, c'est une jeune dame qui est à l'école des hautes études. Le nom m'échappe. Hein. C'est Chloé Morel. Voilà. Tout à fait. Et donc il y a une histoire de cette histoire générale qui est possible parce que les sources sont bien tenues. Les historiens, il n'y avait pas de consensus. Il y avait un consensus sur une chose, la présentation de l'histoire de l'Afrique était un vestige de l'époque coloniale. Donc il fallait en sortir. Oui, Cela, il y avait plusieurs visions de comment en sortir. Et c'est tout à fait normal. Alors, on vient justement à notre sujet du jour, parce que pour en sortir, il faut en sortir dans le cadre d'histoire nationale. On peut se dire d'une certaine façon, François-Xavier Fauvel, que si la tentative d'avoir un Soudan français qui unissait à la fois le Sénégal et le Mali, par exemple, avait perduré, peut-être n'y aurait-il pas une histoire malienne et une histoire sénégalaise, comme il y a aujourd'hui une histoire malienne, une histoire sénégalaise, c'est-à-dire avec cette idée qu'il y avait des ensembles géographiques qui ont dû se faire des héros propres, d'une certaine façon, héros des indépendances, héros nouvellement nationaux, et revendiquer peut-être dans un passé plus lointain des héritages qui remontaient au Moyen-Âge ou à d'autres périodes, François-Xavier Fauvel. Oui, mais je crois que la construction de mémoire, la construction d'histoire nationale est une perspective tout à fait normale, louable, décente, etc. Et il faut lire pour ça le excellent livre qui nous a d'ailleurs donné il y a 20 ans le nom de cette émission, La Fabrique des Héros, qui avait été coordonné par Pierre Sanslivre et aussi par Daniel Fabre sur comment des nations, en particulier du 19e ou du 20e siècle, s'étaient dotées de héros nationaux pour pouvoir justement incarner les valeurs de ces nations. Absolument, et là on peut penser à tous les travaux qu'il y a sur la construction des mémoires nationales européennes au 19e siècle, etc. Donc c'est un moment absolument essentiel de la construction des savoirs. Je dirais même que la nation est le seul cadre pertinent de construction d'une histoire. Donc il est tout à fait normal qu'au moment des indépendances et encore aujourd'hui cette problématique de construire une histoire nationale qui s'inscrit véritablement dans le cadre national soit encore à l'ordre du jour. Si je peux mentionner un livre qui en donne l'exemple, un livre de Nicoué Gaillibor qui vient de sortir qui s'appelle Des bâtisseurs du Togo, grand historien togolais qui continue de constater qu'il manque encore les cadres d'une histoire nationale. Alors il sous-titre son livre des précurseurs et des héros. Il n'empêche que c'est véritablement une histoire nationale comme on peut en trouver dans tous les pays du monde. Victor Massé-Lépine. Est-ce que dans cette recherche de héros au moment des indépendances, Augustin Hall, il y a eu peut-être des intérêts divergents, vous nous le disiez. Est-ce que les hommes politiques, les pères fondateurs, qui devenaient les présidents des pays ou leurs conseillers, avaient des intérêts différents des historiens, j'allais dire, de l'histoire savante, qui essayaient de s'emparer de leur histoire d'un point de vue critique, d'un point de vue, avec des sources, d'un point de vue universitaire, et des présidents ou des pères de l'indépendance qui voulaient créer un récit national, ce qu'on appelle aujourd'hui un roman national. Est-ce que c'était les mêmes héros? Est-ce que tous ces gens marchaient main dans la main ou est-ce qu'il y avait des tensions? Non, je pense entre les politiques et puis les historiens, il n'y avait vraiment pas grande communauté. Hein. La plupart des historiens étaient panafricanistes, à partir de Kizerbo par exemple. Et l'idée, c'était de ne pas sombrer dans l'histoire nationale. Eh oui. Et parce que, on a vu ce que ça a créé en Europe avec la montée des nationalismes. Eh oui. Et l'idée, c'était d'éviter. On continue le même projet d'ailleurs dans le volume 9, c'est de présenter une histoire de l'Afrique avec ses chocs internes, avec ses conflits, tout ce que vous, mais dans une perspective d'un futur, disons, d'une destinée manifeste pour que les Africains puissent se retrouver dans un projet diversifié, global, avec des chocs, mais qui les projette dans un futur plus ou moins éloigné ou plus ou moins proche selon les cas. Oui, Bertrand Hirsch. Oui, c'est-à-dire que ce qui est derrière aussi ce projet, c'est le panafricanisme. Oui, bien sûr. Alors là, on peut s'interroger. Est-ce que aujourd'hui, il y a une histoire possible, commune, je veux dire, pour l'Afrique, en tant que continent? Est-ce que ça a du sens? Alors ça a du sens historiquement, bien entendu, mais du point de vue du chercheur, est-ce que l'Afrique, comme continent géographique, c'est un objet d'étude? J'en suis moins sûr. C'est-à-dire qu'il faudrait faire des distinctions. C'est-à-dire quoi, géographique, pour, historique, non. Pour moi, ce qui est le plus important, ce serait précisément de déconstruire un certain nombre de notions. Et la première qu'il faut déconstruire, c'est la notion même d'Afrique. Qu'est-ce que c'est l'Afrique? C'est un continent, c'est une réalité géographique, c'est tout. Est-ce que historiquement il y a une réalité? Je veux dire, je parle pour les périodes anciennes. Il n'y a pas une conscience Afrique dès les origines, c'est certain. Non, mais c'est sûr. Donc c'est une construction. On est tout à fait d'accord. C'est amusant parce que on va parler d'ici quelques temps d'une grande entreprise éditoriale qui s'appelle Europa Notre Histoire, qui est une tentative de faire une histoire du continent européen, pourrait-on dire, qui va sortir en librairie dans quelques semaines, effectivement, et c'est, vous pourriez adresser la même critique, Bertrand Hirsch, que celle que vous faites d'une histoire du continent africain. C'est certain, mais est-ce que, si vous voulez, moi je me pose toujours la question, est-ce qu'on a construit une histoire de l'Asie? Est-ce qu'on a construit une histoire des Amériques? Non. C'est pas ça qui a été construit, c'est des histoires nationales ou des histoires transnationales. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Quel est le sens d'une histoire continentale? C'est une vraie question, hein, mais je sais pas bien y répondre. On est tout à fait d'accord sur la question. Hein. C'est l'histoire est un outil de construction d'une certaine forme de conscience. Il n'y a pas de naturalisme dans l'histoire. Bien sûr. Le nom d'Afrique, d'ailleurs, il y a toute une série de discussions. Il y a des gens qui expliquent sa généalogie de plusieurs manières. Ceux qui, il y a 10 000 ans, habitaient dans la forêt équatoriale, ils n'avaient pas l'impression d'être en Afrique, ils ne savaient même pas ce que c'est. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est de construire une conscience de ces pays anciennement colonisés qui veulent se lancer dans un projet futur, qui sont trop petits, trop coupés pour ne pas être viables économiquement et qui se disent la seule manière d'y arriver d'abord, c'est de mettre ces idées dans la tête de nos enfants, de nous projeter à deux ou trois générations vers un futur qui ferait un continent pas homogène, mais un continent qui se lance à partir d'une histoire diversifiée vers un futur commun. Oui, donc avec une volonté instrumentale de l'histoire tout de même. Absolument. Qui est effectivement de se servir de l'histoire pour pouvoir, pour un projet politique d'une certaine façon, un projet politique à long terme. Victor Massé-Lépine. Il y a peut-être aussi une échelle intermédiaire entre le continent et les nations, puisque l'Afrique ayant une histoire, prenons des héros, puisqu'on parle des héros africains aujourd'hui, un héros, puisqu'il en est un dans l'histoire, comme Soundiata Keïta par exemple, n'est pas un héros ni guinéen, ni malien, ni burkinabé, ni ivoirien. Mais on peut dire peut-être un héros ouest-africain, et peut-être qu'il parle plus aux Africains de l'Ouest, en tout cas, qu'à des Tanzaniens ou à des Kenyans. Mais est-ce que c'est pas là un changement d'échelle qui peut, non pas réconcilier, mais apporter quelque chose de plus? Vous avez tout à fait raison. Mais par exemple, prenons cet exemple de Soundiata Keïta, qui est connu évidemment de tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique, à l'histoire de l'Afrique, ou même à la musique africaine, puisque il a de très nombreux morceaux qui ont été dédiés à sa personne. qu'est-ce qu'on sait de Sundiata Keïta et qu'est-ce qu'on sait justement de la résurgence de Sundiata Keïta après les indépendances comme héros justement de cet Ouest africain qui vient d'être décrit par Victor Massel d'Épinay. Alors, le Sundiata Keïta historique, si l'on peut dire, c'est-à-dire ce fondateur supposé du royaume du Mali au XIIIe siècle, sur ce personnage, du point de vue historique, on sait pratiquement rien. C'est probablement quelqu'un qui existait tout de même. Imr al-Doun parle l'extrême fin du XIVe siècle. Il parle d'un fondateur de la dynastie des Mansa au Mali. Et il donne des dates, d'ailleurs plus ou moins. On peut effectivement le placer au XIIIe siècle. Il lui donne le nom de Mari Diatta. On y reconnaît Sundiata Keïta. C'est un héros fondateur. Fondateur, donc, de ce qui va devenir le royaume du Mali, qui est une formation politique très importante, essentiellement au XIVe siècle, fin du XIIIe, XIVe siècle, et qui va disparaître progressivement au XVe, XVIe siècle. Bon, voilà. C'est un héros fondateur, et donc, pour moi, c'est principalement un mythe. Sundiata Keïta, c'est un personnage mythique. Vous voulez dire à la hauteur d'un Vercingétorix comme fondateur de la nation française. Exactement. C'est un mythe et on ne le connaît, et j'en termine là, on ne le connaît qu'à travers des mythes. Il y a très peu, il n'y a pas d'histoire de Sundiata Keïta. Il y a les mythologies autour de Sundiata Keïta. Et les principales mythologies ont été celles qui sont véhiculées par les dhélis, c'est-à-dire ce qu'on a longtemps appelé les griots, ils ont les maîtres de la parole. Mais jusqu'à aujourd'hui. Il y a Djibril Tamsirnian que vous avez évoqué, qui a écrit Sundiata Keïta, une épopée mandale. Alors ça, c'est la réinvention. Et là-dessus, on a beaucoup de choses à dire. C'est la réinvention. Je vais passer la parole à François-Xavier. C'est la réinvention de Sundiata Keïta à partir des indépendances, bien entendu. 60, publication... Augustin Hall. Publication de Djibril Tamsirnian. Oui, c'est une histoire épique. Ouais. Et dire, les origines sont toujours floues, on se crée les héros. Donc c'est un héros mandingue qui a été l'élément civilisateur d'une certaine place politique en Afrique de l'Ouest à une certaine période. Et bien évidemment, il n'y avait pas de biographe pour avoir... Vous avez parfaitement raison, c'est à partir de différentes bribes de l'histoire orale que le personnage a été construit. Il a été paralytique, il s'est pris 2 barres de fer, il s'est levé, sa mère était maltraitée, elle ne pouvait pas faire de la sauce, il allait prendre un baobab, il lui a apporté le pour qu'elle puisse prendre des feuilles directement. Donc la dimension épique, elle est claire, elle n'est masquée par personne. Donc, mais l'impact, c'est un personnage qui a défié tous les éléments même de la nature, ouais, pour lancer un projet politique. Il a même traversé la montagne, quand je me suis rendu à Koulikoro, il a même traversé la montagne à Koulikoro, dit-on, parce qu'il était poursuivi par ses adversaires. François-Xavier Fauvel. Oui, il faut pour compléter juste ce qui vient d'être dit par Augustin et Bertrand, il faut peut-être dire comment on sait ce qu'on sait sur Sundiata Keïta. Outre la très très brève mention de l'historien arabe Ibn Khaldoun à la fin du XIVe siècle, on le sait par les récits oraux qu'on collecte, qui ont été collectés sur en Afrique, en Guinée et au Mali principalement. Depuis en gros le milieu du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, on continue à collecter, à enregistrer des récitations par des griots de toute une série de traditions et en particulier de l'épopée de Sundiata. Je voudrais juste mentionner 2 éditions en français qui sont accessibles. L'une par Djibril Tamsirnian qui s'appelle Sundiata qui est chez Présence Africaine, ça existe en poche, et l'autre par Youssouf Tata Cissé chez Kartala, ça s'appelle La Grande Geste du Mali. Voilà, c'est un texte, ce sont des textes oraux qui sont collectés. Et moi je prends toujours cet exemple-là. Que saurait-on de l'Empire carolingien si nous n'avions pas la moindre archive, si nous n'avions pas le moindre bout de papier, mais seulement des récits oraux collectés auprès de bardes dans les provinces françaises qui nous parleraient de l'épopée de l'empereur à la barbe fleurie. Voilà, et on travaille de cette façon-là. Oui, et vous dites que en plus de cette question-là, Bertrand Rirsch, il y a aussi une réévaluation de ce Moyen-Âge africain par les contemporains, qu'ils soient d'ailleurs des contemporains européens intéressant l'Afrique ou des contemporains africains d'aujourd'hui qui tente de montrer, par exemple, avec d'ailleurs l'UNESCO, par la charte du Mandé, qu'il y avait une, disons, un vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui assez fréquemment, un vivre ensemble dans cet empire, dans ce royaume du Mali, à partir d'un texte qui s'appelle la charte du Mandé, dont vous doutez en tant qu'historien de l'existence propre. Elle a été transmise, mais de quelle manière? Et vous vous demandez justement comment on peut travailler sur cette question-là, puisqu'on réinvestit régulièrement, et là en l'occurrence dans un contexte de conflit potentiel en Afrique de l'Ouest, on réinvestit très régulièrement justement l'idée que cet espace géographique et politique était un espace de tolérance qui n'avait rien à envier d'ailleurs aux espaces de tolérance d'autres espaces politiques de la même époque. Oui, c'est pour ça que Sunjata Keïta, c'est un héros. C'est quelqu'un qui est réinventé en permanence et réinventé et instrumentalisé. On en fait effectivement assez récemment. Cette charte du Mandé, elle a été, si mes renseignements sont exacts, elle a été couchée sur le papier, discutée, disons, en 1998 en Guinée, à Cancan, ville de la Guinée, à la fois par des traditionnistes et puis je crois que c'était patronné par l'agence de la francophonie. Bon, ils ont mis des traditionnistes ensemble, qui ont discuté, et à partir évidemment de tout ce fond extrêmement complexe, hein, extrêmement varié autour de Sunjata Keïta, et ils ont rédigé une sorte de charte en tant de points, hein, si vous voulez, à l'image d'une constitution, à l'image d'une constitution. Et donc c'est quelque chose de très très récent. Et cette constitution, entre guillemets, elle a évidemment absolument rien à voir avec le Sunjata Keïta, si tant est que Sunjata Keïta ait existé. C'est-à-dire l'idée qu'au XIIIe siècle, il y a eu une constitution de ce type, c'est totalement farfelu. Façon la grande charte, la Magna Carta, c'est la Magna Carta africaine. Alors, ouais. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est, je te passe la parole, c'est qu'elle est reprise ensuite à l'envi, précisément par l'UNESCO, puisque l'UNESCO, c'est sur le site, enfin, reconnaît ce document comme un document fondateur. Je crois que l'Union africaine aussi reconnaît ce document comme un document fondateur. C'est très passionnant, hein, alors que c'est la réinvention de la tradition tout à fait classique. Voilà, ça date de 98. Eric Hobsbawm, en l'occurrence. Ça montre que à quoi sert un héros, ça sert à être disponible pour le présent. Et de la même façon, voilà, Sunjata aujourd'hui est disponible pour pouvoir porter un discours humaniste, disons, sur la société d'aujourd'hui, en disant, voilà, en promouvant le vivre ensemble, comme depuis deux siècles, Sunjata est disponible pour parler de l'organisation sociale de la société malinké, organisée en chefferie, en caste, etc. Donc, dans tous les cas, à toutes les époques, Sunjata est un héros disponible pour la société présente. Comme des héros qu'on a pu avoir dans notre propre histoire, en l'occurrence, Augustin Hall. La question qui se pose là, c'est quelle est la validité des transmissions orales. C'est vraiment la question que vous posez. Est-ce que je dis que c'est fabriqué en... Bon, ça a été peut-être rassemblé parce qu'il y a eu des recoupements entre plusieurs récits de griots qui chacun a mémorisé une portion. Et la fameuse réunion, c'était pour les mettre ensemble pour voir quelle est la cohérence de ces différents récits sur la question du respect de la vie, le respect de la personne, le vivre ensemble, ainsi de suite. Donc, il y a eu une sorte de séminaire qui mettait ces savants de la tradition ensemble pour essayer de voir quelle est la cohérence du dispositif. Mais si, parce qu'il n'y a pas de source, il y a un peu d'archéologie, mais s'il n'y a pas de source écrite, considérer que c'est invalide parce que c'est passé par la parole, c'est vraiment ça, le fond du débat méthodologique qui a motivé les grandes discussions dans la rédaction de l'Histoire générale d'Afrique. Mare, la vie est dure, la moribanda, souviens-toi tu règnes ta mori, oui mintoke, oui ouaya kumandi aribembala, narana kumandi aribembala. Wazu mani, jonkana wazu, yeah, amara jaya, fama jamila bala, mori, lamfia ture la moribanda. Samori par Kemba Sissoko, un titre enregistré en 1993. Alors on a parlé d'un héros mythique dont on ne connaît pas véritablement la vie, à savoir Sundiata Keïta. Et dans cette même Afrique de l'Ouest, là, il y a un héros qui n'est pas mythique, dont on connaît très bien la vie et dont on a même la photographie, et parce que c'est un héros de la période plus récente, c'est-à-dire de la fin du 19e siècle. Il s'appelle Samori Touré, François-Xavier Fauvel. C'est un autre type de héros dont se dotent justement les pays africains, les nations africaine au moment des indépendances. Oui, Samori, alors il faut peut-être dire quelques mots sur Samori Touré. Samori, il est né vers 1830 et mort en 1900. Toute son action politique se déroule en Afrique de l'Ouest, entre la Guinée, où il est né et où il a commencé à constituer son empire vers 1850-1860, et un vaste empire qui se déploie au sein d'abord des sociétés mandingues, hein, et puis avant de se décaler vers l'est en direction de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, avec en gros deux temps dans sa carrière. D'abord un temps de construction d'un empire, et puis ensuite un temps de défense de cet empire contre le colonisateur français. Alors la grande différence entre Sundiata Keïta et Samori Touré, enfin il y en a plusieurs, mais c'est que Samori Touré, effectivement, on a des documents oraux et des documents écrits relativement, enfin très fiables, et l'autre chose, c'est que la construction de la mémoire de Samori Touré s'est faite par un véritable travail d'historien, entrepris en particulier par Yves Persson, le grand historien des traditions orales de l'Afrique de l'Ouest. Qui a rencontré les derniers compagnons, pourrait-on dire, de Samori Touré dans les années 50 du 20e siècle. Qui effectivement, dans les années 50 et début 60, a rencontré près de 900 personnes, hein, dont certains ont été des témoins directs. Bon. Et sur cette base-là, il a construit sa formidable biographie. On ne peut pas appeler ça une biographie, enfin son monument sur Samori en trois volumes qui s'appelle Samori, une révolution d'Yula. Oui, alors effectivement, Augustin Hall, on est dans un autre cadre, mais on est lié à ces questions des indépendances, parce que par exemple, en Guinée, un dirigeant comme Sékou Touré rappellera ou dira qu'il est justement descendant de Samori Touré alors qu'il prend le pouvoir en Guinée et qu'il s'oppose là aussi au pouvoir français, à savoir le pouvoir du général de Gaulle. Donc il y a un lien effectivement qui n'est pas simplement un lien mythifié mais réel entre l'usage de ce passé lointain d'un peu plus d'un siècle ou moins d'un siècle et la prise de pouvoir de Sékou Touré par exemple. Oui, c'était la sur la base d'une résistance à la domination coloniale. Donc Sékou Touré s'est placé comme le continuateur de Samori, qui a fini par être défait par les puissances militaires, mais que Sékou Touré reprenait une certaine forme de vengeance, mais par la prise du pouvoir politique et le non à la proposition de De Gaulle de faire partie de la communauté française de l'Afrique. Donc pour lui, c'était le même combat, mais avec d'autres moyens. Victor Massé de Lépiné. Alors, on érige Samori Touré en héros au moment des indépendances. Comment est-ce que ça se passe dans ces pays, par exemple la Guinée ou d'autres, où Samori n'est peut-être pas le héros de tous, puisque c'est un chef mandingue qui s'est donc étendu vers le Burkina et la Côte d'Ivoire, donc chez les Dioula, etc. Ce n'est pas le héros pour la Guinée des Peuls, ce n'est pas le héros des Soussous. Comment est-ce qu'une figure comme ça est érigée en héros national, par qui, et comment est-ce que, même aujourd'hui, comment est-ce que cette mémoire de Samori Touré est vécue ou perçue? Très fortement musulman, enfin c'est un chef musulman, très islamique pourrait-on dire, même effectivement il doit y avoir des tensions autour d'une figure. Yves Persson dans les années 50-60 mesure bien ça, la diversité des mémoires qu'il y a autour, et il montre bien qu'il y a il y a plusieurs légendes noires et plusieurs légendes dorées de Samori. Il y a une légende noire construite par le colonisateur, Samori comme un ogre, comme un monstre, qui sert évidemment à blanchir l'œuvre de la colonisation, mais il y a aussi d'autres légendes noires de populations victimes de la geste impériale de l'Almami Samori Touré. Puis il y a plusieurs légendes dorées. Le travail de l'historien est en quelque sorte de refaire œuvre d'historien à partir de ces différentes légendes et de produire une véritable histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vient de dire Augustin Holl, c'est qu'il y a la disponibilité de Samori Touré, elle vient du fait que il s'est érigé contre le colonisateur et qu'en quelque sorte il est disponible pour une histoire nationale, ce qui n'était pas le cas de Sunjata Keïta, dont la mémoire est disponible pour les Malinkés seuls, mais surtout pour la dynastie Keïta, c'est-à-dire que c'est une mémoire dynastique. Augustin Houle. Oui, cela donne des figures mobilisatrices sur un projet d'abord qui part d'une résistance légitime et qui permet de construire une identité particulier qui se projette dans le futur. Et donc, et le fait que Sékou Touré ait continué la lutte, il a été défait, il est devenu fou, parce que c'était très compliqué sa survie politique, pour des raisons que vous connaissez tous. La France-Afrique lui a rendu la vie impossible. Et donc voilà une autre Samori, mais qui est battu par d'autres moyens que le champ de bataille. Et donc, il y a ces héros qu'on va récupérés au moment des indépendances, mais il y a aussi d'autres types de héros, ceux qui sont peut-être les héros des indépendances ou les pères de la nation. Un exemple avec ce morceau dédié à une personnalité très connue, disparue très vite, à savoir Patrice Lumumba. Titre des années 60 par Bala et ses baladins. C'est vrai qu'il y a des héros qui sont morts prématurément après l'arrivée au pouvoir, comme Patrice Lumumba, et puis il y a ceux qui restent au pouvoir. On parlait tout à l'heure de Sékou Touré. Ceux-là, ce sont des héros qui sont, pourrait-on dire, institués ou créés comme héros au moment même où ils prennent le pouvoir, et c'est le pouvoir qui les légitime comme héros des indépendances, en l'occurrence Augustin Houle. Oui, pour le cas que je connais superficiellement, c'est vraiment le héros nationaliste prototypique qui était un garçon qui s'est formé pas dans les institutions d'enseignement supérieur, qui émerge de la situation politique locale et à cause de son intégrité et de sa ferveur nationaliste, il devient une sorte de héros de son vivant. Et bien évidemment, c'est son image d'héros qu'elle a rendu ennemi numéro un du pouvoir colonial. Oui. Et parce que le Congo était une sorte de scandale géologique avec tout ce qu'il y avait dedans. Et ça le reste encore. Et voilà, oui, il fallait écarter ce monsieur-là. Oui, alors c'est le cas de Lumumba, mais tous ces personnages qui vont arriver au pouvoir, qui vont se construire leur propre statut d'une certaine façon, parce qu'ils sont les premiers à diriger de façon autonome un pays qui, à la tête duquel ils se trouvent, par exemple, ces personnages-là vont être aussi institués en héros et ensuite peut-être démontés de leur socle. On peut prendre le cas de Léopold Sédar Senghor, qui est monté aussi très haut et puis qui maintenant est assez critiqué dans son propre pays, au Sénégal, ou d'autres pays africains dans lesquels, effectivement, il y a, on le sait par exemple pour le Kenya aujourd'hui, il y a encore une mémoire de ceux qui ont pris le pouvoir au moment des indépendances et qui sont encore valorisés comme étant ceux qui ont réussi l'unité autour de leur personnage. Oui, non, j'ajouterais une chose. La plupart de ceux qui ont été des grands héros de leur vivant étaient presque tous des panafricanistes. Nkrumah, Modibo Keïta, Lumumba, ils avaient un projet qui allait très au-delà de leur territoire national, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a une résonance très très forte au niveau des jeunesses très mobilisées par l'idée d'indépendance à l'époque. Les autres qui étaient genre Aïdjo Cameroun, Boigny, ne peut pas être considéré comme un héros. Senghor l'a été parce que bon, un intellectuel français prototypique qui écrit ainsi de suite, il a eu son aura d'intellectuel plus que d'autres choses. Mais entre Senghor et Modibo Keïta, la jeunesse africaine vivrait pour Modibo Keïta, pas pour Senghor. Alors justement, vous évoquez la jeunesse africaine et le panafricanisme. On pourrait y revenir, Bertrand Hirsch, puisque c'était Bala et ses baladins qui chantaient Lumumba. Bala et ses baladins, c'est un groupe guinéen qui chante donc ce héros congolais. Ça montre un peu les circulations qu'il y a quand même dans ces figures de héros. Aujourd'hui, dans les taxis, que ce soit au Sénégal ou ailleurs en Afrique de l'Ouest, on a Thomas Sankara, on a Patrice Lumumba, on a même Malcolm X qui est très présent. Parfois Marcus Garvey aussi. Dans l'iconographie populaire. Comment est-ce que l'historien que vous êtes voit ces circulations de figures héroïques et cette profusion de figures héroïques cette circulation entre les frontières. Je dois dire d'abord que je ne suis pas du tout un historien des périodes contemporaines. Donc, on le précise. Voilà. Donc j'aurais plus une opinion, disons, que. Voilà. Ce qui me frappe. Je me permettrai de rattacher ça à la première partie de nos entretiens. Ce qui me frappe, c'est que ces personnages héroïques sont des personnages de rupture, évidemment, très très fortes, puisque ce sont des bâtisseurs d'État-nations. Hein. Et en même temps, de la même façon d'ailleurs, que les historiens qui ont participé, qu'ils soient d'ailleurs occidentaux, africains, ou qui ont participé à la première mouture de l'histoire générale de l'Afrique, ils sont en rupture aussi, bien entendu, avec l'histoire telle qu'elle était enseignée à l'époque coloniale, mais ils sont issus de la période coloniale, tous. Ils sont issus de cette histoire-là. Et donc, il y a à la fois une rupture très très forte, mais il y a aussi beaucoup de continuité. C'est une des choses qui me frappe quand je relis aujourd'hui l'histoire générale de l'Afrique noire, c'est de voir à quel point on n'est pas encore sorti de l'histoire coloniale. C'est-à-dire qu'il y a toute une bibliothèque coloniale qui a été remobilisée, et souvent de manière pas assez critique. Pas assez critique. Vous pensez qu'il faudrait être plus critique vis-à-vis de cette bibliothèque coloniale qui est évidemment le fruit d'une époque, le fruit d'une vision du monde, etc. Bien entendu. Et voir aussi, c'est plus complexe qu'il n'y paraît, voir aussi que certaines choses qui ont été développées par les historiens à l'époque coloniale sont parfois des reprises de choses qui ont été développées par des historiens africains, mais des temps anciens. Je prendrai un exemple, les tarirs, les fameux tarirs, les histoires de composées à Tombouctou au milieu du XVIIe siècle, vont proposer un schéma concernant l'histoire de l'Ouest africain, un schéma de succession entre le Ghana, le Mali, le Sonrail. C'est quelque chose qui est... empires successifs. Des empires successifs. C'est quelque chose qui est repris, évidemment, par De La Fosse, grand historien de la période coloniale, mais qui continue à être diffusé. Et les récents, quand il y a eu un programme dans les cinquièmes d'histoire de l'Afrique, qu'est-ce qu'on a trouvé? Évidemment, la succession Ghana-Mali-Sonrail. Donc, on n'est pas sorti de ça. Et c'est ça qui me frappe aussi. C'est cette, à la fois, c'est, bien entendu, cette rupture fondamentale des indépendances, mais toutes ces continuités. Dans votre dernier livre, dont on reparlera, François-Xavier Fauvel, qui s'appelle « À la recherche du sauvage idéal », sur lequel vous travaillez, dans lequel vous travaillez sur le, on dit les Khoikhoi. Les Khoikhoi. Donc, et cette population qu'on a aussi appelée dans d'autres termes, en particulier au Tanto, à d'autres périodes. Vous dites la dignité, paraît-il, n'est pas une question de sang ou de sol, mais d'ancêtres choisis. Dès lors, la question n'est jamais de savoir qui a les bons ancêtres, mais qui a le pouvoir de les choisir et de tenir la comptabilité publique de ces titres. Les Khoikhoi, ou quel que soit le nom qu'ils portent ou dont on les affuble, ont semé leurs traces tout au long de l'histoire, mais n'ont pas davantage, aujourd'hui qu'hier, le pouvoir de les rassembler. C'est aussi cette question-là. Oui. Et moi, c'est ce que m'apprend l'histoire africaine, c'est-à-dire que c'est qu'on choisit ses ancêtres. Et je crois que c'est une leçon qui vaut ici et maintenant, c'est-à-dire que plutôt que de se braquer ou de se révolter des débats qui ont lieu sur l'histoire de France, sur la question du roman national, sur la question de savoir est-ce que 732, bataille de Poitiers, a du sens ou pas, etc. Où on voit bien qu'il y a une espèce de clivage entre en gros, les vrais bons historiens savants qui ne veulent surtout pas que l'État vienne mettre son nez dans l'histoire que eux font sérieusement. Et puis, en gros, les historiens publics, ceux qui veulent bien qu'on retouche le récit pour le rendre disponible. Ce débat me paraît complètement sclérosé. Est-ce que moi m'apprend l'histoire africaine, c'est qu'on choisit ses ancêtres et on les choisit pour aujourd'hui. Voilà. Et donc, remobiliser une narration, remobiliser des héros, remobiliser des événements, changer la trame narrative, tout ça, ça se fait, et c'est tout à fait normal. Et ça s'est toujours fait. Ça s'est toujours fait, et c'est parfaitement normal. Sinon, à quoi ça sert de faire de l'histoire? Sinon, à quoi ça sert? Oui, il y a d'autres types de héros qui sont nés depuis les indépendances. Vous avez travaillé beaucoup sur l'Afrique du Sud, en l'occurrence François-Xavier Fauvel. La personnalité de Mandela, par exemple, est devenue une personnalité qui n'est pas simplement d'ailleurs un héros pour l'Afrique et pour les Africains, pour l'Afrique du Sud, mais qui est un héros pour l'humanité tout entière, et qui a été hissé à la hauteur d'autres héros de ce style, qui d'ailleurs, pour certains d'entre eux, sont passés par l'Afrique du Sud, comme Gandhi. Absolument, oui. Je n'hésite pas à revendiquer l'œuvre de Nelson Mandela et la personnalité de Nelson Mandela pour un usage présent dans nos sociétés. Voilà, il me semble que et je le dis sans provocation, je veux dire que si la démocratie utile pour notre présent, la démocratie qui réconcilie les gens, qui fait vivre les gens ensemble et qui leur dit vous avez tous le droit d'être membre d'une même communauté et d'avoir un homme une voix, une femme une voix. Bon, et cette démocratie là elle a pas été inventée par les Grecs ou par les Américains ou par les Français 1789, elle a été inventée par les Sud-Africains. La démocratie utile pour aujourd'hui et pour le présent. Sur ce point, Augustin Hall, c'est-à-dire à la fois sur cette plasticité, pourrait-on dire, d'un passé que l'on utilise à sa guise, d'une certaine façon, et la capacité qu'il y a à dialoguer ou à discuter avec des historiens qui pensent parfois qu'il faudrait être plus sérieux, qu'il ne faudrait pas tout mélanger, c'est-à-dire les légendes et les faits historiques. Qu'est-ce que vous avez à dire, Augustin Hall? Vous travaillez sur les trois tomes du 9e tome de l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. Non, je pense qu'il faut différencier l'histoire savante des historiens et l'histoire comme récit de l'aventure collective de l'humanité. Et les usages qu'on en fait. C'est toujours très diversifié. C'est toujours des choses débattues. Et il y a des petites périodes de consensus, mais la plupart du temps, il y a des désaccords avec des versions qui vivent en parallèle tant qu'il y a la paix civile. Mais quand il y a des tensions, il y a des romans nationaux ou ethniques qui tendent à prendre le dessus sur les autres. On a connu ça au Rwanda, par exemple. Donc, l'historien pédagogue accepte le fait que c'est une partie de l'esprit humain qui fonctionne de cette manière et que l'on construit le vivre ensemble à partir de récits En choisissant ses ancêtres, c'est pour prendre la formule de François-Xavier Follet. Oui, c'est ce qu'on appelle, ce que d'autres appellent dans un dossier du XXe siècle consacré à ces questions-là, la renégociation des mythologies politiques. Victor Massé-Lépine. Oui, François-Xavier Follet, je voudrais vous demander de préciser ce que vous venez d'expliquer, parce que je comprends, si on reprend une figure comme celle qu'on a évoquée au début de l'émission de Sundiata Keïta, est-ce que ça veut dire, si je vous comprends bien, qu'on peut à la fois choisir Sundiata Keïta comme héros, que c'est légitime, construire quelque chose, construire un personnage historiographique et dans le même temps montrer que ce personnage n'a finalement qu'une existence douteuse ou très peu d'existence, que ce n'est pas un problème d'avoir Sundiata Keïta comme héros et un discours qui dit Sundiata Keïta n'a peut-être pas existé. Je crois que c'est pas un problème, je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre histoire savante et histoire nationale. La question n'est pas d'inventer une histoire de toute pièce, la question est de choisir parmi ce qui est disponible. Sundiata Keïta est disponible, Samori est disponible, la question il est disponible pour qui et pourquoi faire. Et comment Voilà, il est disponible pour qui et pourquoi faire. Bon, et dans l'infinie diversité du passé disponible, la tâche des historiens et de faire leur chemin et de mettre sur l'établi les documents, de les montrer. Et bon, et puis la tâche de ceux qui fabriquent les manuels scolaires, et de prendre les pièces et de fabriquer un patchwork qui a du sens pour aujourd'hui. Oui, Bertrand Hirsch. Oui, c'est tout à fait vrai. N'empêche que Sundiata Keïta, pour moi, c'est un récit, des récits, bien, oraux, qui ont été collectés, mis par écrit, etc. L'ensemble de ces récits forme quoi ? Forme un récit, des récits mythiques. Bien. Et je regrette d'ailleurs que Sundiata Keïta, à ma connaissance, n'a pas été analysé comme un mythe. C'est un mythe de fondation tout à fait classique, hein, le héros fondateur, etc. Comme Thésée, comme Exactement, et bien entendu. Bien entendu. Alors on n'a pas eu de Lévi-Strauss pour la mythologie africaine. Donc c'est un peu gênant. Bien. Mais surtout c'est pas reconnu comme un mythe. Et il faut quand même le dire. C'est très important tout de même. C'est distinguer l'histoire et le mythe, mais voir ce que les historiens font du mythe, voir comment le mythe produit de l'histoire, etc. C'est des questions compliquées, mais il faut quand même poser cette distinction. Un dernier mot. Je pense qu'il y a épopée mangaine, que ça veut dire épopée mangaine. C'est-à-dire que c'est un récit épique. Donc comme Roland à Roncevaux. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de civilisation sans origine mythique et épique. Ça n'existe pas. Merci à tous les trois d'être venus pour réfléchir ensemble à cette question de la création, réinvention, réutilisation permanente de la figure du héros dans l'histoire des nations africaines depuis les indépendances. Et nous continuerons demain avec vous, Victor Massé-Lépiné, sur une autre sphère géographique. Oui, les États-Unis et la guerre de sécession et ces héros qu'on veut déboulonner un peu partout aux États-Unis. Moi, cette histoire générale de l'Afrique, tome 9 en 3 tomes, on la verra quand le travail que vous menez avec beaucoup d'autres, Augustin Hall? En principe, si tout se passe comme prévu, c'est 2018. Très bien, mais on attendra et vous viendrez nous en reparler à ce moment-là avec vos collègues qui y ont travaillé. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Clément Datté nous a accompagnés à la technique et Anne Fleury à la réalisation.